Bosco, Ndoui Man. Bonsoir à vous tous, Toussaint Mitebotsi assure la mise en onde de ce journal. En voici les grands titres. Un nouveau passeport de la communauté est-africaine a été officiellement lancé cet après-midi. Il coûtera 235 000 francs burundais comme l'ancien, qui sera toujours utilisé pour une durée de 2 ans. Les autres précisions seront données par le commissaire général de la police de l'air et des frontières. Et l'avocat du gouvernement déclare qu'il est confiant quant à l'issue du procès en inconstitutionnalité de la candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle de 2015, qui est toujours pendant à la Cour de justice de la communauté est-africaine, même si le Burundi n'a pas encore été notifié de la reprise de ce procès. Et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vient d'ordonner le retrait des ânes qui avaient été donnés à la population de la commune Nyarusange en province de Gitega. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et les cas de malnutrition s'observent à l'hôpital régional de Gitega et principalement chez les enfants de moins de 14 ans. Mais ce qui inquiète le plus, surtout la responsable du service de stabilisation thérapeutique à cet hôpital, c'est que les malades vendent les produits thérapeutiques qui leur sont donnés. Notre correspondant nous en donnera les détails. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Le procès sur la constitutionnalité ou pas de la candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle de 2015 va reprendre dans la Cour de justice de la communauté est-africaine. La plainte déposée en 2015 auprès de cette Cour par les organisations de la société civile, par le biais entre autres de l'Union panafricaine des avocats, a été reçue en chambre d'appel de la même Cour. L'avocat du gouvernement, Maître Nestor Kayobera, dit que le Burundi n'a pas encore été notifié de la reprise de ce procès. Il précise que le Burundi est confiant qu'il va gagner comme au premier échelon du jugement et qu'au cas contraire, il se soumettra au jugement rendu. On l'écoute. À la première division, nous avons gagné 2 dossiers. Le premier dossier, nous l'avons gagné le 20 juillet 2015, la veille des élections. Le dossier au fond, nous l'avons gagné le 26 septembre 2016, c'était le dossier au fond des élections. En dossier de 2015, nous parlons de le perdre en 2020. Mais actuellement, on ne peut pas commander beaucoup sur ce dossier. Mais ce que nous savons qu'on ne va pas perdre ce dossier. Ce n'est pas un dossier qui est très costaud par rapport à d'autres dossiers que nous avons gagnés. Lorsqu'on perd le procès, le traité est clair. Vous vous conformez au procès. La mise en application d'un jugement, c'est conformé au traité. Et la mise en application d'un jugement rendu en 2020 ou en 2019 par rapport aux élections de 2015, la mise en application de ce jugement, nous allons le savoir au moment opportun. Si c'est en 2020, nous allons le savoir. Mais dans tous les cas, on doit se conformer à un jugement de la Cour. Normalement, lorsqu'un jugement est rendu, on doit se conformer à ce jugement. Maître Nestor Kayobera, avocat du gouvernement burundais. Le ministère burundais de l'Agriculture et de l'Élevage et de l'Environnement demande à l'administrateur de la commune Nyarusange de faciliter le retrait immédiat des ânes distribués par l'organisation Ogena Burundi. Cette distribution n'a pas respecté les procédures techniques de distribution des animaux exotiques en milieu rural. Mireille Kanyangé a lu quelques correspondances sur ce dossier. Ces animaux doivent être acheminés au centre de quarantaine de Mugina, en commune Mabanda de la province Makamba. Selon cette correspondance du ministre burundais de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, adressée à l'administrateur de la commune Nyarusange en province Gitega. Selon des informations en provenance de cette commune, la remise officielle de 9 ânes s'est faite jeudi de la semaine passée, car les 9 venaient de passer environ 9 mois. Une remise faite en même temps que 21 vaches qui venaient elles aussi d'y passer 2 ans. Dans une correspondance du ministère de l'Agriculture à la présidente de l'ONG Ogena Burundi, le secrétaire permanent précisait, se référant sur une lettre du 27 septembre 2016, qu'il marque son accord pour l'importation de 10 ânes en provenance de la Tanzanie pour le compte de cette association. Mais, poursuivait le secrétaire permanent, la création d'un centre d'élevage des ânes dans la province de Gitega est accordée sous réserve de certaines conditions. Parlons toujours de ces correspondances, celle du 25 septembre 2017 de la part de l'ONG Ogena Burundi, adressée au directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Gitega. Ogena Burundi soulignait que le projet mis en place de 1000 ânes pour 1000 femmes burundaises vient soulager les femmes et les enfants dans leur tâche de portage sur la tête. Un projet multisectoriel qui concerne autant l'agriculture, l'élevage, le tourisme, le commerce et le transport, l'artisanat et la santé. L'arrivée des ânes a été une grande joie pour les paysans, mais également pour toute la population environnante, précise cette correspondance du 25 septembre 2017. Contactée à ce propos sur ce retrait immédiat de ces ânes de la commune Nyarusange, le ministre Deogi Derurema a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Merci Mireille. Le passeport de la communauté est-africaine a été officiellement lancé cet après-midi. Le prix de ce nouveau passeport, qui a une validité de 10 ans pour les adultes et 5 ans pour les enfants, est de 235 000 francs burundais en délai de 2 ans de validité reconnu pour l'ancien passeport. Suivez les précisions du commissaire général de la police de l'air et des frontières, Jimmy Hatungiman. C'est vrai, on a changé le passeport qui était en vigueur depuis le 7 mars 2011. Et aujourd'hui, en 2018, nous avons changé le passeport parce qu'il y a eu des recommandations qui sont issues de la réunion des chefs d'État du 17e sommet des présidents de la région. Alors, nous, comme la décision, la recommandation était de mettre sur place un passeport unique d'une même couleur, mais qui se différencie par le logo national. Donc, c'est-à-dire, le Burundi a un logo, le Rwanda a un logo, l'Ouganda et le Kenya, ainsi de suite. Et puis, en plus de cela, un nouveau produit, il doit être motivé quelque part. Donc, la motivation, c'est que le passeport devrait être un passeport international en dehors de la région, qu'il aille au-delà de l'Afrique, jusqu'en Europe, pourquoi pas en Amérique. Quel sera le sort de l'ancien passeport ? Le sort de l'ancien passeport n'est pas alarmant, n'est-ce pas ? Il va continuer à avoir lieu, à avoir le cours légal, parce que d'abord, il est un passeport qui répond aux normes de l'aviation civile internationale, au ACIA, et alors ce passeport doit continuer à avoir donc le cours légal jusqu'à ce que les autorités du pays vont décider pas le retrait définitif de ceux qui ont l'ancien passeport. Comment est-ce que les Burundais qui vivent dans la diaspora accéderont à ce nouveau passeport ? Vous savez, le principe pour le passeport biométrique, c'est que l'individu qui est à la recherche de ce document doit se présenter physiquement pour la prise d'image, les empreintes digitales ainsi que la signature. Donc, on ne change rien. Ceux-là qui sont à l'extérieur doivent pouvoir faire un déplacement sur Bujumbura pour s'acquérir de ce document. Le commissaire Jimmy Hatungimana, il est commissaire général de la police de l'air et des frontières. Il répondait aux questions d'Evariste Nzikobanyanga. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 488 chèvres et 22 moutons sont déjà vaccinés contre la peste de petits ruminants ce lundi à mairie de Bujumbura. Docteur vétérinaire en épidémiologie Désiré Nakirutimana fait savoir que la peste est une maladie dangereuse pour les petits ruminants et demande à tous les éleveurs des petits ruminants de répondre à cet appel de vaccination qui va se clôturer ce mardi. C'est un reportage d'Ornella Mucho. Lors de cette vaccination contre la maladie de peste des petits ruminants, dont les chèvres et les moutons, certains n'ont pas été vaccinés. Le docteur vétérinaire Désiré Nakilutimana explique que certains petits ruminants n'atteignaient pas 4 mois d'âge et d'autres ont présenté des signes de la maladie de peste. Les chèvres et les moutons qui présentent les signes de la peste des petits ruminants ne sont pas vaccinés. On vaccine seulement les animaux qui dépassent 3 mois d'âge et qui sont cliniquement indemnes de PPR. Il faut savoir également que c'est déconseillé d'abattre les chèvres qui viennent d'être vaccinées. On interdit provisoirement l'abattage des animaux puisque l'abattage est l'une des facteurs qui contribuent à la propagation de la peste des petits ruminants. Quand on achète une viande provenant d'un animal malade, ce n'est pas seulement la viande qui termine chez toi, c'est aussi le virus. Et quand tu arrives chez toi, c'est vrai, la peste des petits ruminants ne se contagie. Ce n'est pas une maladie qui se transmet de l'homme à l'animal, ce n'est pas une zoonose, mais et quand on part avec la viande contaminée et qu'on l'amène dans le quartier, on risque de disséminer la maladie. Le docteur vétérinaire spécialiste en épidémiologie fait savoir que plus de 3 millions de petits ruminants ont déjà été vaccinés dans tout le pays. Ornella Mucho, santé humaine maintenant. Les maladies causées par la malnutrition font parler d'elle en province Gitega. Les enfants de l'âge inférieur ou égal à 14 ans sont les plus touchés. La responsable du service de stabilisation thérapeutique à l'hôpital régional de Gitega révèle néanmoins que certains parents vendent des aliments thérapeutiques reçus de son service. C'est un reportage de Gérard Niwigila. Ces maladies causées par la malnutrition sont essentiellement le kwashiorkor et le marasme sévère, comme l'indique Odette Nyomuru, responsable du service de stabilisation thérapeutique à l'hôpital régional de Gitega. Il ajoute que les enfants d'âge inférieur ou égal à 14 ans sont les plus ciblés et que des fois même des adultes souffrent de ces maladies. Odette Nyomuru précise que depuis le mois de janvier 2018 à maintenant, 85 cas de ces maladies ont été enregistrés et traités à l'hôpital régional et de Gitega. Elle souligne également qu'en 2017, c'était 154 cas et 262 cas en 2016. La pauvreté en serait la principale cause, insiste Odette Nyunguru. Elle explique qu'un malade passe en moyenne 12 jours à l'hôpital où il prend du lait thérapeutique. Après les 12 jours, il rentre chez lui avec un kit de 2 semaines constitué du produit thérapeutique appelé plampinate, fabriqué essentiellement à base d'arachide. Néanmoins, Odette Nyunguru dit que certains parents des enfants malades vendent ces plampinates et leur demandent d'arrêter ce comportement. Ces plampinates sont en outre préférés par des enfants du quartier et se vendent clandestinement à un prix variant de 400 à 500 francs la pièce. En province de Gitega, ce sont les hôpitaux de Kibuye, Gitega et Kibimba et Mutoyi qui disposent des services de stabilisation thérapeutique. Depuis Gitega, Gérard Niwigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Certains habitants du quartier Tcharama en zone Kinama se plaignent de la carence de bus de transport. Ils indiquent que cela cause des retards à leurs activités quotidiennes. Les passagers pensent que cette carence est due aux travaux de réhabilitation de la route Bujumbura-Bubanza. Les chauffeurs, eux, réclament l'augmentation des frais du ticket de transport à cause du long trajet qu'ils sont obligés de faire. Reportage Vestine Outoui. À l'origine de cette carence de bus, c'est la réhabilitation de la route Bujumbura-Bubanza qui est en cours. Suite à ces travaux, les bus de transport sont obligés de dévier en effectuant le long trajet, indique un des passagers de Tcharama trouvé sur place. On est en bus, mais il est difficile de le retrouver à cette heure-ci. La cause est qu'on a bloqué la route là-bas à Kanga. Pour que le bus de transport vers Tcharama puisse travailler à la normale, les chauffeurs réclament la hausse du ticket pour compenser le carburant consommé suite à la déviation du trajet. Celui-ci est l'un d'entre eux. Qu'on nous accorde la hausse du ticket, car nous effectuons un long trajet. Cette solution proposée par les chauffeurs divise les usagers de son moyen de transport en commun. Hors micro, les uns soutiennent la hausse du prix du ticket afin que les bus puissent être disponibles, alors que les autres craignent qu'une fois le ticket monte, il sera difficile de l'abaisser, même après ces travaux de réhabilitation qui vont bientôt totaliser 2 mois. Vestine Boutoyi et ceux qui exercent leur commerce dans les boutiques et kiosques près du parking de Rumonge se plaignent de travailler à perte à cause du commerce ambulant qui s'y développe et demandent que l'activité soit bien réglementée. Le conseiller technique au développement de l'administrateur de Rumonge dit avoir entendu ces lamentations lors du recouvrement de la taxe communale en cours et promet une réponse adéquate. Les détails dans cette correspondance de Jean-Pierre Misago. Selon certains boutiquiers et vendeurs dans les kiosques et cafétérias près du parking de la ville de Rumonge, leurs produits ne sont plus consommés. Ils expliquent que leurs clients habituels, dominés par les passagers, s'approvisionnent à partir des vendeurs ambulants pour les mêmes produits, sauf les clients qui recherchent des produits congelés. Ces boutiquiers et vendeurs dans les kiosques et cafétérias se lamentent que ce sont eux qui paient la taxe annuelle communale alors que leurs produits ne sont pas écoulés et demandent à la commune d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Ferdinand Yokindi, conseiller technique au développement à la commune de Rumonge, dit avoir été informé de ce problème lors du recouvrement de la taxe annuelle communale en cours et promet que la question sera vidée d'ici peu. Ce que nous demandons, c'est de payer d'abord ces taxes et après l'administration est là, nous sommes là. Comme nous avons déjà cette information, nous allons traiter la question, nous allons voir comment prendre une mesure adéquate sur cette question pour pouvoir travailler dans l'ambiance, que ce soit dans les boutiques, dans les kiosques et pour les autres commerçants. Au parking des véhicules faisant la liaison Rumonge-Bujumbura, une boulangerie a déjà fermé ses portes pour cette raison. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro.